Conte de Hans Christian Andersen, une semaine du petit elfe ferme l'œil. Dans le monde entier, il n'est personne qui sache autant d'histoires que Olé ferme l'œil. Lui, il sait raconter. Vers le soir, quand les enfants sont assis sagement à table ou sur leur petit tabouret, Olé ferme l'œil, arrive, il monte sans bruit l'escalier, il marche sur ses bas, il ouvre doucement la porte et pssout, il jette du lait doux dans les yeux des enfants, un peu seulement, mais assez cependant pour qu'ils ne puissent plus tenir les yeux ouverts, ni par conséquent le voir. Il se glisse juste derrière eux et leur souffle dans la nuque. Alors leur tête devient lourde, lourde. Mais ça ne fait aucun mal, car Olé ferme l'œil ne veut que du bien aux enfants. Il veut seulement qu'ils se tiennent tranquilles, et ils le sont surtout quand on les a mis au lit. Quand les enfants dorment, Olé ferme l'œil, s'assied sur leur lit. Il est bien habillé, son habit est de soie, mais il est impossible d'en dire la couleur. Il semble vert, rouge ou bleu, selon qu'il se tourne. Il tient un parapluie sous chaque bras, l'un décoré d'images, et celui-là, il l'ouvre au-dessus des enfants sages qui rêvent alors toute la nuit des histoires ravissantes. Et sur l'autre parapluie, il n'y a rien. Il l'ouvre au-dessus des enfants méchants. Alors ils dorment si lourdement que le matin, en s'éveillant, ils n'ont rien rêvé du tout. Et maintenant, nous allons vous dire comment Olé ferme l'œil, durant toute une semaine, vint tous les soirs chez un petit garçon qui s'appelait Ajmar. Cela fait en tout 7 histoires, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine. Lundi. Écoute un peu, dit Olé ferme l'œil le soir lorsqu'il eut mis Ajmar au lit. Maintenant je vais décorer la chambre. Et voilà que toutes les fleurs en pot devinrent de grands arbres, étendant leurs branches jusqu'au plafond et le long des murs, de sorte que la pièce avait l'air d'une jolie tonnelle. Toutes les branches étaient couvertes de fleurs, chacune plus belle qu'une rose embaumant délicieusement. Et s'il vous prenait envie de la manger, elle était plus sucrée que de la confiture. Les fruits brillaient comme de l'or, et il y avait aussi des petits pains mollets, bourrés de raisins. C'était merveilleux. Mais tout à coup, des gémissements lamentables se firent entendre dans le tiroir de la table où Aljmar rangeait ses livres de classe. Qu'est-ce que c'est? Dit Olé. Il alla vers la table, ouvrit le tiroir. C'était l'ardoise qui se trouvait mal, parce qu'un chiffre faux s'était introduit dans le calcul. Le crayon d'ardoise sautait et s'agitait au bout de sa ficelle, comme s'il était un petit chien. Il aurait voulu corriger le calcul, mais il n'y arrivait pas. Et puis, il y avait le cahier d'écriture de Aljmar. Il se lamentait en dedans, que ça faisait mal de l'entendre. Sur chaque page, il y avait des lettres majuscules modèles, chacune avec une petite lettre à côté d'elle, formant une rangée modèle du haut en bas. Et à côté de celle-là, il y en avait qui croyaient être semblables au modèle. C'était celle que Ajmar avait écrite. Celle-là allait tout de travers, comme si elles avaient trébuché sur le trait de crayon où elles auraient dû se poser. Regardez, voilà comment il faut vous tenir, disait le modèle, comme ça, à côté de moi, d'un seul trait. Oh, nous voudrions bien, disaient les lettres de Aljmar, mais nous n'y arrivons pas. Nous sommes très malades. Alors il faut vous purger, disait Olé Ferme-l'œil. Oh non, non, criait-elle. Et les voilà debout toutes droites, que c'en était un plaisir de les voir. Mais maintenant nous n'allons pas raconter l'histoire, dit Olé Ferme-l'œil. Il faut que je leur fasse faire l'exercice. Un, deux, un, deux, et il fit faire l'exercice aux lettres. Elle se tenait aussi droite, était aussi bien constituée que n'importe quel modèle. Mais une fois, Olé Ferme-l'œil partit, quand Aljmar alla les voir, elles étaient aussi lamentables qu'auparavant. Mardi. Aussitôt que Aljmar fut au lit, Olé Ferme-l'œil toucha de sa petite seringue magique tous les meubles de la chambre. Aussitôt, ils se mirent tous à bavarder, mais ils ne parlaient que d'eux-mêmes, sauf le crachoir qui restait muet, mais s'irritait de les voir si vaniteux, ne s'occupant que d'eux-mêmes, ne pensant qu'à eux-mêmes, et n'ayant pas la plus petite pensée pour lui, qui, modestement, restait dans son coin et tolérait qu'on lui crache dessus. Au-dessus de la commode était suspendue une grande peinture, dans un cadre doré. On y voyait un paysage avec de grands vieux arbres, des fleurs dans l'herbe, une pièce d'eau et une rivière qui coulait derrière le bois, passait devant de nombreux châteaux et se jetait au loin dans la mer libre. Olé Ferme-l'œil toucha le tableau de sa seringue. Alors les oiseaux peints commencèrent à chanter. Les branches des arbres ondulèrent et les nuages coururent dans le ciel. On pouvait voir leurs ombres se déplacer sur le paysage. Olé Ferme-l'œil souleva Aljmar jusqu'au cadre et le petit garçon posa ses jambes dans la peinture et le voilà debout dans l'herbe haute. Le soleil brillait sur lui à travers la ramure et il courut jusqu'à l'eau, s'assit dans la barque peinte en rouge et blanc. Les voiles brillaient comme de l'argent et six cygnes, portant chacun un collier d'or autour du cou et une étoile bleue étincelante sur la tête, tiraient le bateau au long de la verte forêt, où les arbres parlaient de brigands et de sorcières et les fleurs de ravissants petits elfes et de ce que les papillons leur avaient raconté. De beaux poissons aux écailles d'or et d'argent nageaient derrière la barque. De temps en temps, ils faisaient un saut et l'eau clapotait. Les oiseaux rouges et blancs, grands et petits, volaient derrière en deux longues rangées. Les moustiques dansaient, les hannetons bourdonnaient. Ils voulaient tous accompagner Aljmar, et ils avaient tous une histoire à raconter. Ah, ce fut une belle promenade en bateau. Par moments, le bois était épais et sombre, puis il devenait des jardins ensoleillés et fleuris, avec de grands châteaux de cristal et de marbre. Sur les balcons se tenaient des princesses, qui étaient toutes des petites filles connues de Aljmar, avec lesquelles il avait déjà joué. Elles étendaient la main, étendaient chacune le petit cochon de sucre, le plus exquis qu'aucun confiseur n'eût jamais vendu. Aljmar, au passage, saisissait par un bout le petit cochon. La petite fille tenait ferme de l'autre, en sorte que chacun en avait un morceau. Elle le plus petit, Aljmar de beaucoup le plus gros. Devant chaque château, de petits princes montaient la garde. Ils portaient armes avec des sabres d'or et faisaient pleuvoir des raisins secs et des soldats de plomb. C'étaient de véritables princes. Aljmar naviguait tantôt à travers des forêts, tantôt à travers d'immenses salles ou à travers une ville. Il lui arriva même de traverser la ville où habitait sa bonne d'enfant, celle qui le portait dans ses bras quand il était tout petit et qu'il l'aimait tant. Elle lui fit des signes, elle lui sourit et chanta cet air charmant qu'elle avait elle-même composée pour lui. Je pense à toi à toute heure, mon cher petit Alchemar chéri. C'est moi qui baisais ta petite bouche et aussi ton front, tes joues vermeilles. Je t'ai entendu dire tes premiers mots, et puis il a fallu te quitter. Que notre Seigneur te bénisse ici-bas, mon bel ange, descendu des cieux. Tous les oiseaux chantaient avec elle, les fleurs dansaient sur leurs tiges, et les vieux arbres dodelinaient de la tête, comme si Olé Fermeleuil eût aussi pour eux raconté cette histoire. Mercredi. Oh, comme la pluie tombait au dehors! Alchemar l'entendait même dans son sommeil, et quand Olé Fermeleuil entr'ouvrit une fenêtre, il vit que l'eau montait jusqu'au ras du chambranle, un vrai lac, mais un magnifique navire mouillait devant la maison. « Viens-tu avec nous, petit Alchemar ?» dit Olé Fermeleuil. « Tu pourras voyager cette nuit dans les pays étrangers et être de retour demain matin. » Et voilà Alchemar dans son costume du dimanche, debout sur le magnifique navire. Le temps devint aussitôt radieux. Ils naviguèrent de par les rues, croisèrent devant l'église et bientôt ils furent en pleine mer. On alla si loin qu'on ne voyait plus aucune terre, mais seulement une troupe de cigognes qui venait aussi du Danemark et allait vers les pays chauds. Elles se suivaient l'une derrière l'autre et avaient déjà volé si longtemps. Si longtemps! L'une d'elles était très fatiguée. Ses ailes ne pouvaient plus la porter. Elle était la dernière de la file. Bientôt, elle fut loin derrière les autres. Elle volait de plus en plus bas, donnant encore quelques faibles coups d'ailes, mais en vain. Elle toucha de ses pieds le cordage du bateau, glissa le long de la voile, et poum! La voilà sur le pont. Le mousse la prit et l'enferma dans le poulailler avec les poules, les canards et les dindons. La pauvre cigogne était toute confuse de cette compagnie. En voilà un drôle d'oiseau, dirent les poules. Nous sommes bien tous d'accord, elle est stupide. Bien sûr, elle est stupide, gouloussa le dindon. Alors la cigogne se tut et rêva de son Afrique. « Comme vous avez là de jolies longues jambes maigres, » dit la dinde. « Combien en vaut l'une ?»« Coin, coin, coin !» ricanaient les canards. Mais la cigogne fit celle qui n'a rien entendu. « Vous pourriez bien rire avec nous, » dit le dindon, « car c'était très spirituel. Ou bien peut-être n'était-ce pas d'un goût assez relevé pour vous si haut perché ?» Glou, glou, madame, n'aime pas la plaisanterie. Alors, soyons spirituels entre nous. Et les poules de glousser et les canards de cancaner. Coin, coin, coin, c'était extraordinaire comme il se trouvait drôle. Mais Alchemar alla droit au poulailler, ouvrit la porte, appela la cigogne qui sautilla sur le pont jusqu'à lui. Elle s'était reposée et saluait Alchemar comme pour le remercier. Puis elle étendit ses ailes et s'envola vers les pays chauds, tandis que les poules gouloussaient, que les canards faisaient coin-coin, et que la tête du dindon devenait toute rouge. « Demain, on fera une soupe de vous tous, » disait Alchemar, et il s'éveilla couché dans son petit lit. C'était un voyage extraordinaire qu'Olé Fermeleuil lui avait fait faire. Jeudi. Attends, dit Olé Fermeleuil, n'aie pas peur, tu vas voir une petite souris. Et il tendit vers lui sa main où était assise la jolie petite bête. Elle était venue t'inviter au mariage des deux petites souris qui vont entrer en ménage cette nuit. Elles habitent sous le garde-manger de ta mère. Il paraît que c'est un appartement incomparable. Mais comment pourrais-je passer dans le petit trou de souris du parquet ? Demanda Alzmar. Laisse-moi faire, dit Olé Ferme-l'œil, je vais te rendre tout petit. De sa seringue magique, il toucha Alzmar, qui aussitôt devint de plus en plus petit, jusqu'à n'être pas plus grand qu'un doigt. Maintenant tu peux emprunter ces vêtements aux soldats de plomb, je crois qu'ils t'iront bien. Allons-y, fit Alzmar. En un instant, le voilà habillé comme le plus mignon petit soldat de plomb. Voulez-vous avoir la bonté de vous asseoir dans le dé à coudre de votre mère ? Dit la souris. J'aurai l'honneur de vous tirer. Mon Dieu, mademoiselle, allez-vous prendre cette peine ? Dit Alzmar. Et les voilà partis au mariage de souris. D'abord, ils passèrent sous le parquet dans un long couloir, juste assez haut pour que l'attelage du dé à coudre puisse passer. Est-ce que ça ne sent pas bon ici ? Dit la souris. Tout le couloir a été enduit de couenne. On ne peut pas faire mieux. Puis ils arrivèrent dans la salle du mariage. À droite se tenaient toutes les souris femelles. Elles susurraient et chuchotaient, comme si elles se moquaient les unes des autres. À gauche se tenaient les mâles. Ils se lissaient la moustache avec leurs pattes. Au milieu de la salle se tenaient les mariés, debout dans une croûte de fromage évidé. Et ils s'embrassaient à bouche, que veux-tu, devant tout le monde, puisqu'ils étaient fiancés et allaient se marier dans un instant. Il arrivait de plus en plus d'invités. Et les souris étaient serrées à s'écraser. Les mariés étaient placés au beau milieu de la porte, de sorte qu'on ne pouvait ni entrer ni sortir. La salle étant frottée à la couenne, on n'offrait rien d'autre à manger. Mais comme dessert, on apporta un pois dans lequel une souris de la famille avait, de ses petites dents, gravé le nom des mariés, ou du moins leurs initiales. C'était tout à fait splendide. Toutes les souris furent d'accord pour dire que c'était un beau mariage. Vendredi. C'est inouï combien de gens d'un certain âge voudraient m'avoir auprès d'eux, dit Olé Ferme-l'œil, surtout ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Mon bon petit Olé, me disent-ils, nous ne pouvons nous endormir, et toute la nuit nous sommes là, à voir défiler nos mauvaises actions, qui, comme d'affreux petits démons, s'assaillent sur notre lit et nous aspergent d'eau bouillante. Ne voudrais-tu pas venir les chasser, que nous puissions dormir d'un bon somme ? Ils soupirent et ajoutent tout bas. Nous te paierons bien. Bonsoir, Olé. L'argent est sur le bord de la fenêtre. Mais je ne fais pas ça pour de l'argent, terminait Olé Ferme-l'œil. Qu'est-ce qui va arriver cette nuit ? Demanda Alzmar. Eh bien, je ne sais pas. Si tu as envie de venir encore ce soir à un mariage d'un tout autre genre que celui d'hier, la grande poupée de ta sœur, celle qui a l'air d'un homme et qu'on appelle Hermann, va épouser la poupée Bertha. C'est d'ailleurs l'anniversaire de la poupée. Il y aura donc beaucoup de cadeaux. Oui, je connais ça, dit Alzmar. Quand les poupées ont besoin de robes neuves, ma sœur décide que c'est leur anniversaire ou qu'elle se marie. C'est arrivé plus de 100 fois. Oui, mais cette nuit, c'est le 101e mariage. Et quand le 101e est terminé, tout est fini. C'est pourquoi celui-ci sera splendide. Regarde un peu. Alzmar regarda vers la table. La petite maison de carton était là, avec ses fenêtres éclairées et tous les soldats de plomb présentés armes. Les couples de fiancés étaient assis par terre, le dos appuyé au pied de la table, très songeurs, et ils avaient sans doute pour cela de bonnes raisons. Olé Ferme-l'œil, vêtu de la jupe noire de la grand-mère, les bénit. Après la bénédiction, tous les meubles de la chambre entonnèrent la jolie chanson que voici, écrite par le crayon sur l'air de la retraite. Notre chanson arrive comme le vent sur le couple nuptial dans la chambre. Tous deux raides comme des baguettes, ils sont faits de peau de gants. Bravo, bravo pour la peau et les baguettes, nous le chantons à tous les vents. Puis on leur offrit tous les cadeaux. Ils avaient demandé qu'il n'y eût rien de comestible, car leur amour leur suffisait. « Allons-nous rester dans le pays ou voyager à l'étranger ?» demanda le marié. Ils prirent conseil de l'hirondelle, qui avait beaucoup voyagé, et de la vieille poule de la basse-cour, qui avait couvé 5 fois des poussins. L'hirondelle parla des pays chauds, où le raisin pend en grandes et lourdes grappes, où l'air est doux, et où les montagnes ont des couleurs qu'on ne connaît pas du tout ici. « Mais ils n'ont pas nos choux verts, » dit la poule. « J'ai passé un été à la campagne avec mes poussins. Il y avait un coin de gravier où nous pouvions gratter. Et puis, il y avait une sortie vers un potager plein de choux verts. Oh, qu'ils étaient verts! Je ne peux rien m'imaginer de plus beau. « Mais un chou est pareil à un autre, » dit l'hirondelle. « Et puis, il fait souvent si mauvais temps ici. »« Oui, mais on y est bien habitué. »« Et puis, il fait froid et on gèle ici. » Cela fait beaucoup de bien aux choux. D'ailleurs, il arrive que nous ayons chaud. Il y a 4 ans, nous avons eu un été qui a duré 6 semaines, où il faisait si chaud qu'on suffoquait. Et puis, nous n'avons pas de ces bêtes venimeuses qu'ils ont là-bas, et nous n'avons pas de brigands. C'est une honte de ne pas trouver notre pays le plus beau du monde. Vous ne mériteriez pas d'y vivre. Moi aussi, j'ai voyagé. J'ai fait plus de 12 lieues en voiture, dans un panier, et je vous assure qu'un voyage n'a rien d'agréable. La poule est une femme raisonnable, dit la poupée Bertha. Moi non plus, je n'aime pas voyager dans les montagnes pour monter et descendre tout le temps. Nous allons tout simplement nous installer là-bas, sur le gravier, et nous nous promènerons dans le jardin aux choux. Et on en resta là. Samedi. « Vas-tu me raconter des histoires maintenant ?» dit le petit Hadjmar. « Nous n'avons pas le temps ce soir, » dit Olé, en ouvrant au-dessus du petit son plus beau parapluie. « Regarde ces Chinois !» Et tout le parapluie ressemblait à une grande coupe chinoise ornée d'arbres et de ponts arqués sur lesquels des petits Chinois hochaient la tête. « Il faut que le monde entier soit astiqué pour demain. » dit encore Olé, car c'est dimanche. Mon plus grand travail sera de descendre toutes les étoiles pour les astiquer aussi. Je les prends toutes dans mon tablier, mais il faut d'abord les numéroter et mettre le même chiffre dans les trous où elles sont fixées là-haut, afin de les remettre à leur bonne place. « Non, écoutez, monsieur Fermeleuil, vous exagérez !» s'écria un portrait accroché sur le mur, contre lequel dormait le petit garçon. « Je suis l'arrière-grand-père de Hadjmar. Merci de lui raconter des histoires, mais vous ne devriez pas lui fausser ses notions. On ne peut pas décrocher les étoiles et les polir. »« Merci à toi, vieil arrière-grand-père. Mais moi, je suis encore plus ancien que toi. Je suis un vieux païen. Les Romains et les Grecs m'appelaient le dieu des rêves. J'ai toujours fréquenté les plus nobles maisons, et j'y vais encore. Je sais parler aux petits et aux grands. Tu n'as qu'à raconter à ton idée maintenant. » Olé Fermeleuil partit là-dessus en emportant son parapluie. Dimanche. Bonsoir, dit Olé Fermeleuil, et Hadjmar le salua. Puis il se leva et retourna contre le mur. Le portrait de l'arrière-grand-père, afin qu'il ne prît pas part à la conversation comme la veille. « Voilà, tu vas me raconter des histoires, celles des 5 pois verts qui habitaient la même cosse, celles de l'os de coq qui faisait la cour à l'os de poule, celles de l'aiguille à repriser, si fière d'elle-même qu'elle se figurait être une aiguille à coudre. « Il ne faut pas abuser des meilleures choses, » dit Olé Fermeleuil. Je vais plutôt te montrer quelqu'un. Je vais te montrer mon frère. Il s'appelle aussi Olé Ferme-l'œil, mais ne vient jamais plus d'une fois chez quelqu'un. Et quand il vient, il le prend avec lui sur son cheval, et il raconte... Oh, quelles histoires! Il n'en sait que deux. Une si merveilleusement belle que personne au monde ne pourrait l'imaginer. Une si affreuse et si cruelle, impossible de la décrire. Et puis, il éleva dans ses bras le petit Ajmar jusqu'à la fenêtre et lui dit « Regarde, voilà mon frère, l'autre Olé Ferme-l'œil, qu'on appelle aussi la mort. Tu vois, il n'a pas du tout l'air méchant, comme dans les livres d'images où il n'est qu'un squelette. Non, son costume est brodé d'argent, et c'est un bel uniforme de hussard. Une cape de velours noire flotte derrière lui sur le cheval, et il va au galop. Ajmar vit comment Olé Ferme-l'œil galopait en entraînant des jeunes et des vieux sur son cheval. Il en plaçait certains devant lui et d'autres derrière, mais toujours d'abord il demandait « Et comment est ton carnet de notes ?» Tous répondaient « Excellent !»« Faites-moi voir ça, » disait-il, et il fallait lui montrer le carnet. Ceux qui avaient très bien ou excellent venaient devant, et ils entendaient une merveilleuse histoire. Ceux qui n'avaient que passable ou médiocre allaient derrière et entendaient l'histoire horrible. Ils tremblaient et pleuraient, ils voulaient sauter à bas du cheval, mais ils ne le pouvaient plus. Ils étaient enchaînés à l'animal. Mais la mort est un très gentil Olé Ferme-l'œil numéro 2, dit Ajmar. Je n'en ai pas peur du tout. Il ne faut pas en avoir peur, dit Olé. Il faut seulement veiller à avoir un bon carnet de notes. Ça, c'est un bon enseignement, murmura le portrait de l'arrière-grand-père. Il est toujours utile de donner son avis. Et il était fort satisfait. Et ceci est l'histoire d'Olé Ferme-l'œil. Il viendra sûrement ce soir vous en raconter lui-même bien davantage.